certaines sont mariées. Il me dit déjà qu'il en a marre d'elle. Avant Marc, pétez vos tarpés. Petit délit sur le dos d'Anne, il pète le carter. Le vendeur s'est fait péter. Le gérant a dit moulonner le guetteur. L'été dans la street, j'étais sous bracelet, je pointais à la spip. J'finis pété dans la street, envoie la vodka et la beuh de Maastricht. L'été au quartier, la place est bondée, frérot c'est bondé. Caillasse les condés, ils veulent nous péter, ils sont venus en cortège. L'été au quartier, la place est bondée, frérot c'est bondé. Caillasse les condés, ils veulent nous péter, ils sont venus en cortège. J'me réveille au bruit du KTM, TZ, plein de N, c'est dans mon ADN. Soleil, je fais ma Marie-Jeanne. Je suis dans le sud, je suis à l'aise, dans le nord, il gèle. Y'a la piscine en bas du bâtiment. C'est charbon qui l'a payé, c'est pas la mairie. T'es pas un voyou, toi pourquoi tu mens? Roue avant, mais t'inquiète, c'est pas la mairie. Je passe l'été au quartier. Petit barbecue à la place, ça sent la crapulerie. Mais l'été au quartier, les petites matesses se font la guerre pour un gris. L'été au quartier, la place est bondée, frérot, c'est bondé. Caillasse les condés. Voiture cabriolet, maison cambriolée. On a fouillé les fesses pour trouver jaune et violet. J'suis pas un gros bonnet, regarde qui on est. On va rien laisser, on est chez des millionnaires. On veut la victoire, on n'a pas le temps. Vas-y, applique-toi, on n'a pas le temps. On veut la victoire, on n'a pas le temps. On file la chaussette, y'a pas de temps. L'été au quartier, la place est bondée, frérot, c'est bondé.